Chacun a droit à sa chance, sachant qu'il y a du talent en France. On essaie d'avoir notre heure de gloire, marquer le but de la victoire. Moi je fais du rap pour calmer ma haine, car il paraît que la vie est une chienne. Dans ce milieu y'en a trop qui veulent percer, le chemin de la reconnaissance est bouché. Arrêtez d'insulter des personnes qui veulent juste y arriver. Toi t'es qui, t'es quoi pour vouloir mal critiquer? T'es qu'un fantôme derrière ton ordi, tu fais grand derrière, mais devant t'es tout petit. Tu commentes les vidéos sur YouTube, tu te permets de balancer que la musique est à chier. Et toi t'as fait quoi dans ta vie? T'as fait quoi de tes 10 doigts, à part taper sur ton clavier? Sais-tu ce qu'est le respect? Moi je vais te dire en fait, t'es jaloux que certains arrivent à faire ce que tu ne feras jamais. Alors tu mets toute ta haine dans ce clavier, tout ça parce que t'aimes pas. Et alors ferme ta gueule et écoute pas, car moi en tout cas, Mazik si tu la kiffes, hop, bah t'écoutes, hop. Mazik si tu la kiffes pas, bah t'écoutes pas. Mazik si tu la kiffes, hop, bah t'écoutes, hop. Mazik si tu la kiffes pas, bah t'écoutes pas. Mazik si tu la kiffes, hop, va t'écoute, hop. Mazik si tu la kiffes pas, va t'écoute pas. Mazik si tu la kiffes, hop, va t'écoute, hop. Mazik si tu la kiffes pas, va t'écoute pas. Tu joues les malins, tu critiques les styles que t'aimes pas. Chacun ses goûts et le rap on s'en fout que toi t'aimes pas. Si tout le monde ferait comme toi, on arriverait à quoi? Les différents styles font varier la musique. Alors Tipello, tu peux garder tes critiques. Faut vraiment se sentir mal pour avoir ça à faire. Au lieu de juger les gens, vas-y montre ce que tu sais faire. C'est trop facile de parler par derrière. Moi je suis pas un faux cul pour te dire nique ta. Non je préfère rester poli, je vais pas mettre à ton niveau, car il est tellement bas que moi je tomberai de haut. Mazik si tu la kiffes, hop, bah t'écoute, hop. Mazik si tu la kiffes pas, bah t'écoute pas. Mazik si tu la kiffes, hop, bah t'écoute, hop. Mazik si tu la kiffes pas, bah t'écoute pas. Mazik si tu la kiffes, hop, bah t'écoute, hop. Mazik si tu la kiffes pas, bah t'écoute pas. Mazik si tu la kiffes, hop, bah t'écoute, hop. Mazik si tu la kiffes pas, bah t'écoute pas.